Va à la voiture, je prends le chariot. Vite, fonce! Eh oui, des prix comme ça, on a du mal à y croire. En ce moment, c'est les soldes chez IKEA. Profitez de prix réduits sur de nombreux articles signalés en magasin et d'exclusivités web à retrouver sur IKEA.fr. IKEA. Dans la limite des stocks disponibles. Bonjour et bon mercredi matin, bienvenue. C'est le double expresso RTL 2, 8h. Imagine Dragons se profile à l'horizon après les infos de Fabienne Tarkaeff. Bonjour Fabienne. Bonjour Greg, bonjour à tous. Alors, les soldes d'été commencent ce matin. Eh oui, la plupart des enseignes et magasins sont en train d'ouvrir. Ce seront les derniers qui vont durer 6 semaines. Dès l'an prochain, ils devraient être raccourcis à 4 semaines. En revanche, on parle de Black Friday ou Boxing Day pour compenser. Toutes les infos dans le double expresso d'ici 20 minutes. L'été sera perturbé sur les rails. La CGT Cheminots et Sudrail appellent les cheminots à faire grève les 6 et 7 juillet, soit au début des vacances scolaires. Les deux syndicats ont affirmé qu'ils annonceraient au fur et à mesure les dates de grève suivantes. La CGT précise toutefois qu'elle essaiera de ne pas toucher les départs en vacances des plus pauvres et promet une rentrée musclée en septembre. La CFDT se désolidarise du mouvement pour l'été pour ne pas pénaliser les vacanciers et reporte sa participation à la rentrée. 6 pays accueilleront les migrants du Lifeline. Le bateau est toujours en Méditerranée. Il attend de pouvoir accoster en Europe. L'Italie a dit non ce week-end, mais revirement de situation hier. 6 pays européens se sont engagés à accueillir une partie des migrants, dont l'Italie, donc le Portugal et la France. Emmanuel Macron a annoncé que quelques dizaines de réfugiés seraient accueillis en France. Le Lifeline doit accoster d'ici quelques heures, normalement, à Malte. Rebondissement dans des menaces contre la SNCF. C'était il y a 14 ans, un mystérieux groupe qui se faisait appeler AZF menaçait de faire exploser des bombes sur le réseau ferroviaire français. Les membres du commando n'avaient jamais été identifiés et hier matin, 3 personnes soupçonnées d'en faire partie ont été arrêtées. Leur garde à vue, comme dans toutes les menaces terroristes, peut durer jusqu'à 96 heures. France-Argentine en 8e de finale de la Coupe du Monde de foot. Et oui, ce sera donc le match d'ouverture de la deuxième phase de la compétition. Ce sera samedi à 16h. Des Bleus qui ont fait une première manche du mondial plutôt insipide. En tout cas, c'était le cas hier face au Danemark, 0-0. Et puis en face, donc pour ces huitièmes de finale, les Argentins de Lionel Messi qui se sont qualifiés de justesse. Du côté de la météo, c'est reparti pour une belle journée ensoleillée sur toute la France avec des températures qui continuent de grimper. Le soleil brille sur toutes les régions ce matin. Dans le courant de l'après-midi, on pourrait voir quelques nuages sur le Pays Basque. Le ciel devrait se charger un petit peu, mais normalement, même s'il restera gris jusqu'à demain en fin de matinée, on ne devrait pas avoir ni d'orage, ni normalement de pluie. Bon, tant mieux. Voilà, c'est déjà ça. Partout d'ailleurs, en revanche, on aura donc un beau ciel bleu. Et puis, du côté des températures ce matin, 15 à Rennes et à Lille, 16 à Strasbourg et 19 à Lyon. 8h03, c'est le double expresso RTL de Bonjour Pat Juju ce matin. Elle sera de retour demain, évidemment, mais on est en pleine forme avec toute l'équipe. Et surtout, j'ai une bonne nouvelle. Consommer des moules, des huîtres et du poisson augmenterait notre libido. Oui, les fruits de mer boostent la libido, d'après une étude alimentaire, auprès de 500 couples pendant un an. Voilà. Plus actif sous la couette grâce aux fruits de mer. Merci RTL2. Something about the way that you walk into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering. innocence. Faith ain't no privilege. I am a deck of cards, vice or a game of hearts. And still you want me. On me, I know it isn't easy, but I hope to be worth it. Grande chanson d'Imagine Dragons, Next to Me, 8h06. Grégory Hacher et Justine Salmon. Le double expresso RTL 2 de 6h à 9h. Oui, bon, alors ce matin, c'est Grégory Hacher et pas Justine Salmon. Mais elle reviendra demain, évidemment. On l'embrasse fort, Juju. Bonjour à tous, bienvenue. On est mercredi matin, c'est le 27 juin. C'est déjà la 404e du double expresso. Bonjour, Jonathan O'Donnell. Bonjour, Grégory Hacher. Bon, tu traînes dans le coin, hein, évidemment. Ouais, je suis toujours là. Et spécialement à 8h55 pour un top 3 de qualité. De l'actu. De l'actu aussi. Je compte sur toi, Jérémy et Tomanette. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Grégory. Ça va? Ça va bien. Bon. Max. Salut, l'équipe. Max, aux réseaux sociaux. Bonjour Max, il est sur Twitter, Facebook, Instagram. C'est avec lui que vous conversez notamment. Bon, vendredi, c'est la dernière de fin de saison, la grande fête, la kermesse du double expresso RTL, de la fiesta si tu veux. On aura comme invité notamment Charlie Winston. Tu vois ce like hobo qui marche bien. Il chante ça aussi, hein, Dusty Man. Et il nous chantera sa nouvelle chanson qui s'appelle The Weeknd. Et il ne sera pas le seul puisqu'il sera là entre 7h et 8h, mais entre 8h et 9h, on aura un autre invité, c'est Gaëtan Roussel. Le chanteur du groupe Louise Attack, belle carrière solo, il revient avec un nouveau single qui s'appelle Hope. Et si vous voulez assister à cette grande fête du double expresso vendredi en direct depuis la terrasse d'RTL2 en public, inscription MP, hein, Max. Oui, hein. Sur la page Facebook du double expresso, également par Twitter. N'hésitez pas, je réceptionne vos messages. On a encore quelques places de dispo, venez faire la fête avec nous, il y aura aussi une surprise, mais je ne peux pas en dire plus, sinon ce ne serait pas. Une surprise. Une surprise. Skunk and Nancy, voici Hedonism dans le double expresso RTL2. Bonjour à tous. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. Do you still play the same moves now? Or are there special moves for someone else? I hope you're feeling happy now. We'll be right back.

Vecchio. Pour oublier ta main et le goût de ta peau. Ah. Tu m'as lâché la main sur le Porto Vecchio. Je souris au venin qui me brûlait le dos. Je vous avais promis Pink Floyd, je suis un homme de parole. Alors pour bien commencer la journée, voici Another Brick in the Wall, Pink Floyd, dans le double expresso RTL de bonjour. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm. Classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. Another Brick in the Wall sur RTL de 8h20. L'info expresso RTL 2. Et pend le temps d'un jingle, même 8h21, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le 27 juin, c'est la Saint-Fernand, mais c'est aussi et surtout, Max, le début des soldes. Exactement, le premier jour des soldes. Jérémy, pour tout vous dire, notre réalisateur est en train de faire les soldes avec sa femme par téléphone, hein, Jérémy. Ah, tu rentres dans les coulisses, là. Ah, bah oui, bon. On explique tout, là. Je sais que tu es en train de faire les soldes. Tout à fait. Il se fait ses petits paniers. Ça bon, j'aurais bien voulu avoir l'avis de Jonathan Donnel, mais il n'est pas là. donc du coup c'est compliqué. C'est faux, je suis totalement là. Ce matin, je vous ai trouvé le panier moyen des Françaises et des Français. Sachez que vous allez dépenser pendant ces soldes d'été 288 euros en moyenne, selon YouGov France. Et 6 Français sur 10, 63% des Français, souhaitent profiter des soldes d'été cette année. C'est-à-dire qu'il y a quand même 40% qui s'en fichent. Ça veut dire qu'il y a toujours des remises, des soldes privés, des Black Friday, tout ce que vous voulez tout au long de l'année. Le budget moyen pour les plus dépensiers, ce sont les Franciliens, 360 euros. Voilà, c'est ceux qui vont dépenser le plus. C'est un beau budget de soldes. Et alors, où est-ce que vous allez pour dépenser vos sous? En priorité sur La Redoute, ensuite Cdiscount, ensuite Amazon, Conforama, Kiabi, Nike, Zalando, Darty et Decathlon. Voilà vos marques chéries, vos marques préférées, vos marques favorites. Et vous allez chercher des chaussures en priorité pour 70% d'entre vous, devant des accessoires et de la mode. Et après, les produits de soins et beauté pour 43%. Voilà. Sachez également que c'est la dernière fois que les soldes vont durer 6 semaines, puisqu'à partir de la prochaine fois, ce sera 4 semaines. Un seul petit mois de solde. Bonne solde, profitez bien, amusez-vous et profitez de Marina Kaye sur RTL. Il est 8h25 dans le double expresso RTL 2. Voici l'horoscope de ce mercredi matin. Les médailles de bronze et tout d'abord les gémeaux. Vous êtes d'humeur compliquée. C'est pas toujours facile à vivre pour les autres. Sagittaire, vos mauvaises habitudes refont surface. Attention, essayez de les corriger. Les médailles d'argent avec les béliers. Votre charme fait des ravages en ce moment. Profitez-en, il est encore temps. Les taureaux, vous avez le sens des affaires. Ça tombe bien en ce premier jour des soldes. Personne ne peut vous duper. Cancer, vous travaillez beaucoup mais les résultats commencent à se voir. Les lions, vous êtes quelqu'un de distingué et on reconnaît votre savoir-vivre. Les vierges, vous rêvez de changement. Ah, une nouvelle rencontre pourrait bien répondre à cette envie. Les scorpions, vous assumez ce que vous êtes, vous vous sentez bien dans votre peau. Capricorne, vous essayez d'être mieux organisé, vos efforts commencent à porter leurs fruits. Verseau, vous êtes créatif, tout le monde reconnaît votre côté original. Les poissons, vous saurez convaincre votre entourage pour avoir gain de cause. Et enfin, les médailles d'or du jour, la médaille d'or du jour, c'est pour les balances. Rien ne vous atteindra aujourd'hui, votre bonne humeur est communicative. Vous donnez le sourire autour de vous. Et nous, on vous offre Liquido. Narcotique, il y aura également le winner du jour et la banque RTL 2 au 32-28. A tout de suite dans le double expresso RTL de 8h26. Lorsque vous écoutez One Republic, vous êtes sur RTL 2. Portugal de Man. Vous les avez découverts sur RTL 2. Metallica, c'est forcément RTL 2. RTL 2, the pop rock radio. La Minute Soin avec Elisabeth Boisdana, porte-parole de la recherche L'Oréal Paris. Aujourd'hui, nous écoutons la question de notre auditrice Laurence. Bonjour. Comment être certaine que les soins anti-âge L'Oréal Paris soient sûrs pour ma peau ? Chez L'Oréal Paris, toutes nos formules, notamment les soins Revitalift et Age Perfect, sont évaluées sur tout type de peau, même sensible. Plus de 600 applications sont faites sous contrôle dermatologique avant que vous ne retrouviez votre soin Revitalift ou Age Perfect en magasin. 600 applications ? C'est impressionnant. Oui, et systématique. Et pour l'efficacité ? Nos tests d'efficacité sont réalisés par des instituts indépendants pour des résultats 100% objectifs. Top, maintenant une question santé. Qui soulage les gencives douloureuses gonflées irritées ? Arthrodon. Oui, qui contient de l'énoxolone pour lutter contre la douleur des gencives ? Arthrodon. Bravo ! C'est bien Arthrodon, dentifrice pour soulager les douleurs dues à certaines maladies des gencives et aux blessures par prothèse. Arthrodon énoxolone, 1% patch gingivale, médicament pas avant 3 ans. Lire la notice avant utilisation, il est recommandé de se brosser les dents après chaque repas. Si les symptômes persistent, consultez votre dentiste, demandez conseil à votre pharmacien. Avec Laurent Deutsch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U du Sud-Ouest Midi-Pyrénées. C'est à Gimont, dans le Gers, que la société Gérial élabore son célèbre jambon d'Auch, une recette exclusive née dans l'arrière-boutique d'une charcuterie à côté de la cathédrale d'Auch. S'il est réputé partout dans l'Hexagone, c'est que ce jambon a une particularité. Il se découpe en belles tranches régulières, avec une excellente tenue dans l'assiette. Pas étonnant que de grandes tables parisiennes ne jurent que par lui. U. Commerçant autrement. Pour votre santé, bougez plus. RTL 2. Du 27 juin au 7 août, Bricoman vous réserve des soldes allant jusqu'à moins 70% sur les grandes marques du bâtiment. Exactement, jusqu'à moins 70%. Alors évidemment, ça pourrait paraître moins tendance que des soldes sur des vêtements ou des chaussures. Mais franchement, qu'est-ce que vous feriez avec votre nouveau costume sur votre chantier ? Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Plus d'infos sur bricoman.fr. Pendant les journées Audio All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Du 16 juin au 7 juillet, offrez-vous votre Audi d'occasion en toute sérénité grâce à notre pack d'offres exceptionnelles sur l'entretien, le financement et les accessoires. Profitez de toute l'expertise et du savoir-faire Audi sur plus de 4000 modèles d'occasion certifiés. Audi Occasion Plus, entrez dans l'univers Audi. Retrouvez le détail de ces offres chez votre distributeur Audi Occasion Plus et sur audi.fr/occasion. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de profiter des soldes comme nulle part ailleurs. Profitez des soldes chez Kiabi, jusqu'à moins 70% sur des milliers d'articles pour toute la famille. Toute la mode jusqu'à moins 70%. Il est grand temps de se faire plaisir. Les soldes par Kiabi, du 27 juin au 7 août. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Sur article signalé, date selon décret, conditions, magasin et kiabi.com. RTL2, c'est le double expresso. Merci d'être là. Il est 8h30. Vos infos avec Fabienne Tarkaev tout de suite. Bonjour Fabienne. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Le geste de la France envers les migrants. Emmanuel Macron a annoncé hier lors de sa visite au Vatican que la France allait accueillir quelques dizaines de personnes qui se trouvent en ce moment sur le navire Lifeline en Méditerranée. Le bateau doit accoster prochainement à Malte avec 233 migrants à bord et 6 pays dont la France se sont engagés à les accueillir. Une grève estivale à la SNCF. La CGT et Sudrail appellent les cheminots à faire grève les 6 et 7 juillet. Un mouvement qui tombera juste au début des vacances scolaires et qui pourra être renouvelé au fil des jours durant l'été. C'est pourquoi la CFDT a annoncé qu'elle allait suspendre sa participation pendant toute la période estivale pour ne pas pénaliser les vacanciers. Et elle reprendra sûrement le mouvement à la rentrée. J'ai envie de vous dire, peut mieux faire. Eh oui, Greenpeace sort aujourd'hui une enquête sur la lutte contre la pollution de l'air en France. Et sur 12 villes passées au crible, Nantes, Paris et Strasbourg font figure de bons élèves. Restriction des véhicules polluants polluants dans la capitale, développement des réseaux de vélos et des transports en commun pour Strasbourg et Nantes. En revanche, des villes sont plutôt pointées du doigt pour ne pas faire grand-chose dans la lutte contre la pollution de l'air. Lille, Montpellier, Marseille et Nice. Simone Veil, bientôt au Panthéon. C'est dimanche matin que l'ancienne ministre fera son entrée avec son époux dans l'édifice des grands hommes. Leurs cercueils seront placés aux côtés de ceux de Jean Moulin, André Malraux, Victor Hugo ou Pierre et Marie Curie. Simone Veil sera la 5e femme à être panthéonisée. Le public pourra se recueillir sur place à partir de dimanche après-midi. France-Argentine, 8e de finale de la Coupe du Monde de foot. Ce sera samedi après-midi à 16h à Kazan. Hier, les Bleus ont déçu en terminant leur dernier match de poule sur un nul. Score final 0-0 face au Danemark. Le sélectionneur Didier Deschamps temporise. Les Français ont rempli leur objectif, finir premier du groupe C. Et puis on a 4 matchs à suivre aujourd'hui. Mexique, Suède, Corée du Sud, Allemagne, Serbie, Brésil et Suisse, Costa Rica. Du côté de la météo aujourd'hui, c'est reparti pour une belle journée ensoleillée sur toute la France avec des températures qui continuent de grimper. Le soleil brille sur toutes les régions ce matin. Dans le courant de l'après-midi, on pourrait avoir quelques nuages sur le Pays Basque et le ciel devrait se charger un petit peu en fin de journée. Mais normalement, pas de pluie, pas d'orage à l'horizon. Le ciel restera gris jusqu'à demain en milieu de journée. Et puis à noter aussi 2 ou 3 nuages sur les Alpes cet après-midi. Mais là, il devrait se dissiper assez rapidement. Les températures en ce moment, on a déjà 19 degrés ce matin à Strasbourg, 20 à Rennes, 19 aussi à Lyon et à Toulouse. 8h32, bonjour à toutes et à tous. Vous partez au travail, vous êtes déjà au travail avec l'application RTL2 ou le web ou ce que vous voulez, ou la radio. Sachez que 41% d'entre vous, 41% des Français ont déjà fantasmé sur leurs collègues. Là, vous êtes gêné, vous parlez, c'est bizarre. 41% des Français ont déjà fantasmé sur leurs collègues. Je vous laisse ça en chiffre du jour. Bonjour. Touched your face, narcotic mindful lace, melanated you. And I touched your face, narcotic mindful lace, melanated you. And I called your name, Michael Caine. Guido, narcotique sur RTL de 9h25. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. J'ai trouvé cette winneuse dans le progrès ou sur leprogrès.fr. Elle n'aime pas qu'on lui dise non, notre winneuse, vous allez comprendre. Alors c'est Cindy. Elle a 21 ans, elle est originaire du Calvados et elle a fait 3 années de prépa littéraire. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas admissible aux écoles de commerce qu'elle souhaite intégrer. Donc elle s'est dit, elle est un peu colère. On pense à vous, étudiante, étudiant en ce moment, bachelier, bachelière. Alors afin de les persuader de valider son inscription, elle s'est lancée, écoutez bien, dans un tour de France afin de rencontrer les directeurs des différents établissements. Elle-même, elle va y aller. Mais enfin, c'est pas un voyage comme les autres. Elle voyage en autostop. Et elle dormira chez qui voudra bien l'accueillir. Alors son périple a commencé le 22 juin à l'école de Rouen, où elle n'a pas obtenu l'oral. Et il doit se poursuivre par Rennes, Nantes, Bordeaux, Pau, Montpellier, Clermont, Grenoble, Lyon et Lille, jusqu'au 11 juillet prochain. Et elle nous dit, Cindy, que sur leur flyer, leur site internet ou leurs réseaux sociaux, les écoles de commerce prônent l'atypisme et l'audace. Je vais leur montrer que je suis capable d'être audacieuse. Pas mal quand même. Ah, c'est bien. Je trouve ça courageux de sa part. Alors quelques jours après son départ, la jeune femme a affirmé sur son compte Instagram avoir reçu un appel de l'école de Montpellier qui l'attend les bras ouverts. Ah bah c'est sympa, c'est sympa. J'espère qu'elle va pas faire pareil quand elle va chercher du travail, sinon le Tour de France il va durer longtemps. Oui, ça peut être un peu plus compliqué. En tout cas voilà, on voulait mettre à l'honneur sa persévérance et se dire que c'était possible. Bravo Cindy, et qui sera sans doute étudiante à Montpellier. On lui souhaite. On écoute One Republic, Apologize dans le double expresso RTL2. But I just